Chaïdis, excès tout. Ce n'est pas bon, excès du tout. Excès tout. Et un atoxy. Ma vie n'bande pas moi, en papier somme lambda. Aïe pas changé, en toujours arrogant comme d'hab. Et j'ai fini sorti la jolle que ni un comeback. Ma crié nos amis ou pas t'es qu'à voyer mandat. Vroom vroom vroom, déclencher le contact. Oublie sans rien et puis moi ouvre les rancas. Combien chanteuse, une chanteuse tellement yo cap rocal. Combien chanteuse en game là, tu brûles trop bocal. M'en parle nom qui pas ni l'agent. Excès tout. Si ou j'suis fuck moi j'oui. Excès tout. En ex et en ex. Excès tout. Excès tout. M'en parle nom qui pas ni l'agent. Excès tout. Si ou j'suis fuck moi j'oui. Excès tout. En ex et en ex. Excès tout. Tout. Chouchouté, apaisse ses coups. Ou c'est ex, moi ex c'est tout. En conseil, payé des tout. Aïe fait mieux, veille fait sous. Papa, parlez moi de chata, en croisé yande. En idée green, en aimé commandé. Ça voyait, fuck ma dame, on y en dé l'année. Tout ça passe, Viagra, kafo bandé. M'en parle nom qui pas ni l'agent. Ex c'est tout. Si ou j'suis fuck moi j'oui. Ex c'est tout. En ex c'est en ex. Ex c'est tout. Excès tout. M'en parle nom qui pas ni l'agent. Excès tout. Si ou j'suis fuck moi j'oui. Excès tout. En excès en ex. Excès tout. Tout monde savent comment y'aime l'ambé. Et y'a pas qu'à fuck une tiapé l'ambé. Chai dit ça te get back shot tout juste à lundi. Mais on y un homme si ça entendé. Tic tic tic tic tac tac tac. Ça simple tac tac tac tac tac. Tic tic tic tic tac tac tac. Ça simple tac tac tac tac tac. M'en parle nom qui pas ni l'agent. Excès tout. Si ou j'suis fuck moi j'oui. Excès tout. En excès en ex. Excès tout. Excès tout. M'en parle nom qui pas ni l'agent. Excès tout. Si ou j'suis fuck moi j'oui. Excès tout. En excès en ex. Excès tout.